Ok. Nouveau souffle. Ok. Yeah. Oh. Yeah. Je ne sais pas comment définir ma liberté. J'ai trouvé la clé comme les menottes sont levées. Je vais me casser, je ne veux plus être la chose qui a subi des violences. Qui sait que cela m'a fait? En tout cas j'ai confiance. La mélodie me dirige vers la lumière. Le bout du tunnel est mon terminus. J'ai quitté l'enfer qui pue, retrouvé ce que j'aime et la musique que j'aime. Tu ne pourras jamais enlever ma passion que j'aime. Je trace encore loin, je fais planer les démons en l'air. Dans ma tête, mon cœur danse car il est en fête. Je sais qu'on s'est tous inquiétés sur ma santé et ma survie. Désormais je ne pense qu'à ma gueule, je n'ai qu'une vie. Mon but c'est de m'en sortir sans penser aux flammes. Tu sais quoi, je porte désormais la haine aux femmes. Longtemps j'avais le poids de la prison sur mes épaules. Le moins que l'on puisse dire c'est que j'ai changé d'école. Je ne veux plus d'incompréhension et de tension. Maintenant je me surveille car je fais attention. J'ai changé après les épreuves de rééducation. J'ai plus honte d'aller au psy, j'ai fait une action. Tout va très vite quand j'accélère le mouvement. Ma vie, je compte en profiter tout le temps. C'est le Francis d'avant que vous connaissez qui revient à la charge. Je suis le meilleur car je casse la baraque comme Barack. Enfin libéré de mes chaînes, libéré de tout. Écoutez ma libération, car tourne la roue. Tout se tient sur un fil, moi je vais dans la vie. Pourquoi je suis comme ça? Parce que je veux réussir ma vie. Tu veux imposer tes règles et guider ma destinée? Va te faire enculer, c'est dans ma tête que tout s'est dessiné. Le plus beau cadeau qu'on m'a donné, c'est la raison. C'est que tu peux te le foutre au cul, ta pendaison. À force de me battre, l'envie de vaincre arrive en force. C'est comme l'indépendant de la Corse. J'ai retrouvé la puissance des mots et du flow. Comme j'ai retrouvé la puissance d'un humain sorti de l'eau. La torture et l'excès ne font plus partie de ma drogue. Pour m'arrêter, c'est plus qu'enlever ma force. Je sors du silence pour m'échapper de cette spirale. Comment te faire comprendre que je ne veux plus de cette vie vitale? Car elle est fatale, laisse-moi respirer mon nouveau souffle. Je vole au-dessus de l'enfer car j'ai quitté le gouffre. Wouh! Ok! Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Ok! Francis revient.